Estragon s'endort. Vladimir enlève son veston et lui couvre les épaules, puis se met à marcher de long en large, en battant des bras pour se réchauffer. Estragon se réveille en sursaut. Je suis là, les bâtons. C'est fini. Je tombais. C'est fini. N'y pense plus. J'étais sur un... Non, non. Ne dis rien. Viens, on va marcher un peu. Je suis fatigué. J'aime mieux être planté là, ne rien faire. Oui, comme tu veux. Allons-nous-en. On ne peut pas. Pourquoi? On attend Godot. C'est vrai. Tu ne peux pas rester tranquille. J'ai froid. On est venu trop tôt. C'est toujours à la tombée de la nuit. Mais la nuit ne tombe pas. Elle tombera tout d'un coup, comme hier. Puis ce sera la nuit. Et nous pourrons partir. Puis ce sera encore le jour. Que faire? Que faire? T'as bientôt fini de te plaindre, tu commences à me casser les pieds. Avec tes gémissements. Je m'en vais. Tiens. Adieu. Le chapeau de Lucky, voilà une heure que je suis là, je ne l'avais pas vu. C'est parfait. Tu ne me verras plus. Je ne me suis donc pas trompé d'endroit. Nous voilà tranquilles. Ça devait être un beau chapeau. Tiens. Quoi? Tiens-moi ça. Il me va? Je ne sais pas. Non, mais comment me trouves-tu? Affreux. Mais pas plus que d'habitude. La même chose. Alors je peux le garder. Le mien me faisait mal. Comment dire? Il me grattait. Je m'en vais. Tu ne veux pas jouer? Jouer à quoi? On pourrait jouer à Pozzo et Lucky. Je connais pas. Moi, je ferai Lucky, toi, tu feras Pozzo, mets-toi là. Qu'est-ce que je dois faire? Engueule-moi. Salaud. Plus fort. Salaud. Ordure. Fumier. Dis-moi de penser. Comment? Dis pense, cochon. Pense, cochon. Je ne peux pas. C'est... Dis-moi de danser. Je m'en vais. Danse pas. Je ne peux pas. Gogo! Gogo! Enfin, je suis maudit. Mais tu étais, je t'ai cru parti pour toujours. Jusqu'au bord de la pente. On vient. Qui? Je ne sais pas. Combien? Je ne sais pas. C'est Godot. Enfin, Gogo. C'est Godot. Nous sommes sauvés. Allons à sa rencontre. Oh, Gogo, reviens. Gogo. Te revoilà à nouveau. Je suis damné. Tu as été loin. Jusqu'au bord de la pente. En effet, nous sommes sur un plateau. Aucun doute, nous sommes servis sur un plateau. On vient par là aussi. Nous sommes cernés. Imbécile, il n'y a pas d'issue par là. Là, il n'y a personne. Sauve-toi par là. Allez. Tu ne veux pas? Ma foi, ça se comprend. Voyons. Il ne te reste plus qu'à disparaître. Derrière l'arbre. Vite, derrière l'arbre. Ne bouge plus. Décidément, cet arbre ne nous aura servi à rien. Tu n'es pas fou. J'ai perdu la tête. Pardon. C'est fini. Maintenant, tu vas voir. Dis-moi ce qu'il faut faire. Il n'y a rien à faire. Toi, tu vas te poster là. Là, ne bouge pas et ouvre l'œil. Dos à dos, comme au bon vieux temps. Tu ne vois rien venir. Comment? Tu ne vois rien venir. Non. Moi non plus. Tu as dû te tromper. Comment? Tu as dû te tromper. Ne crie pas. Est-ce... Ah, pardon. Je t'écoute. Mais non. Mais si. Je t'ai coupé. Au contraire. Voyons, pas de cérémonie. Mais ne sois pas têtu, voyons. Achève ta phrase, je te dis. Achève la tienne. Misérable. C'est ça, engueulons-nous. Salaud. Fumier. Ordure. Crapule. Curé. Cocu. Architecte. Maintenant, raccommodons-nous. Gogo, qui dit ta main? La voilà. Viens dans mes bras. Tes bras là-dedans. Allons-y. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Comme le temps passe quand on s'amuse. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? En attendant. En attendant. Si on faisait nos exercices. Nos mouvements. D'assouplissement. De relaxation. De circonduction. De relaxation. Pour nous réchauffer. Pour nous calmer. Allons-y. Je suis fatigué. Nous ne sommes pas en train. Faisons quand même quelques respirations. Je ne veux plus respirer. Tu as raison. Faisons quand même l'arbre pour l'équilibre. L'arbre? À toi! Tu crois que Dieu me voit? Il faut fermer les yeux. Dieu, aie pitié de moi. De moi. De moi. Et de moi. Moi. Et moi. Pitié de moi. Et moi. De moi. Et moi. De moi.